Hey, alors, t'as vu qu'on a parlé du Big Bill? Ouais, je sais, je regarde tous les soirs. Qu'est-ce que tu regardes tous les soirs? Le Big Bill. Ah. Ben, l'espèce de vautour dans son extraterrestre. Comment il s'appelle Lagaffe? Ouais, Vincent Lagaffe, ouais. Alors, non, mais... ça parle de quoi le Big Bill, enfin, compte, si vous voulez résumer le Big Bill? Non, grosso modo, c'est un jeu, bon ben, il y a des... Grosso modo. C'est un jeu, bon ben, t'as des candidats qui viennent, ils repartent avec une voiture ou ils repartent avec du fric. C'est le Big Bill, ça? Mais c'est quoi le but du jeu? C'est pas le cool, but du jeu, ben, c'est... Parle devant ton micro. C'est de non, mais gagner... remonte-le, mais crie pas dedans parce que toujours ça tord dans tous les sens. C'est de gagner, de répondre aux questions que la GAF y pose, ou que si t'as un fil rouge, par exemple, là, comme ce soir, il y avait un fil rouge, le mec il a gagné 13 000 francs en écrivant je sais plus quoi comme mot, et puis après t'as des chansons, t'as... C'est Bilbil, ça? Bah ouais, oui, c'est ça, ouais. T'as qu'à le regarder, toi, à 19h, espèce de câble. Ouais. Ah, tu devras regarder le Bilbil. Et puis là, après, t'as le jeu, là, avec... Ça a l'air que quand il y a la voiture, ça peut t'écrire un mot sur un bout de papier, tu gagnes une bagnole? Ça dépend. Si la personne veut garder ses 13 000 francs, oui, ou l'a changé contre le rideau, ça peut très bien arriver. Des 13 000 francs... Échanger contre le rideau, il y a rideau. Bah oui, ils ouvrent un rideau et... J'ai jamais vu, moi. C'est quoi le rideau? Ça veut dire quoi, le rideau? C'est un rideau comme si tu faisais une pièce de théâtre, t'as un rideau et puis là, t'as la voiture. Comme ce soir, là, le mec, il a pas voulu échanger contre le rideau, je sais plus c'était sur quoi. Mais attends, le mec, il a perdu une voiture à 56 000 balles. D'accord. Mais il était au théâtre, le mec. Non, mais c'est en direct, en fin de compte. Hein. T'as le public qui est là et c'est en direct. Dans le Big Bill, il y a un rideau comme au théâtre. Ah oui. T'as le rideau et t'as l'écran. T'as deux trucs. Je comprends pas, attends. C'est avec la gaffe, ça, c'est à 19h, le Big Bill. Bah oui. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh ben, attends, c'est l'heure à l'appel, moi. Mais non, c'est fini, ça. Oh là là. T'as qu'à demander à Françoise qu'elle appelle téléphone. Non, mais pour le Big Bill, donc il y a un rideau comme au théâtre. Ouais, ils sont au théâtre, ça se passe au théâtre. Non, c'est en direct sur TF1. Oui, mais au théâtre? Non, c'est pas dans un théâtre, c'est sur une scène avec tout. Pourquoi tu dis qu'il y a un rideau de théâtre, je comprends pas. Ah oui, mais comme tu n'arrives pas à comprendre que le rideau il s'ouvre. Ah, il y a un rideau qui s'ouvre, mais comme un rideau de douche. Voilà. Ah, rideau de douche alors. Voilà. Ah, d'accord. Derrière un rideau de douche, c'est transparent, on arrive à voir ce qu'il y a derrière le rideau. Ben non. Qui le sait qu'il y a derrière le rideau? Big Bill. En principe, c'est la gaffe et puis bien sûr Big Bill, parce que c'est lui qui fait gagner les cadeaux. Alors, lui, une fois, il s'est retrouvé avec 35 000 balles dehors. Qui? Il a promis trois. Ben Big Bill, 35 000 balles. Ouais, le mec, il a pas voulu échanger et derrière, il avait une boîte de bonbons à lui. Et Big Bill, il a fait un chèque de 35 000 balles. À la fin de l'émission, ouais. Mais Big Bill, c'est qui? C'est la GAF. Ben, c'est la GAF, c'est la direction de TF1 qui prend un chèque carrément à la personne. Hein. En euros? Attends. Non, en euros, attends, l'euro, c'est pas pour maintenant, hein, t'es connerie, toi. Attends, mais arrête. Ça veut dire que la direction de TF1 s'appelle Big Bill? Non, c'est l'émission qui s'appelle comme ça. Ouais. Le jeu, ça s'appelle le Big Bill. Ouais. Donc, c'est l'autre, là, dans sa soucoupe volante. Mais et qui ça, je n'ai jamais vu, dans sa soucoupe volante, c'est qui? C'est un espèce de... De personnage? De personnage. Qui s'appelle Big Bill. Voilà. Et après, bon, ben, t'as tous les jeux qui suivent. Il est où? Il est dans l'espace? Ouais, non, mais il est dans un grand écran, comme tu prendrais là, RTL9. Et dedans, tu le vois en train de faire ses conneries. Non, mais c'est pas grave, il a raison, il est obligé, là. Hein. C'est-à-dire que lui, le mec, le Big Bill, il est dans RTL9. Ah, il est là, dans l'écran, et puis... Mais RTL9? Ben non, pas RTL9, sur TF1, bien sûr. Ah, pourquoi tu dis RTL9? J'ai pas compris. Parce que je vois marqué RTL9. Bah alors, pas voilà. TF1, il n'y a pas marqué TF1 sur l'écran de télé? Ben non. Non, mais j'aimerais bien voir 19h, t'as jamais vu, merde, c'est à 19h, ça, sur France 2? Non, sur TF1. Mais non, c'est Alerte à Malibu. Non, à 19h, non. C'est le Big Bill. J'ai encore regardé aujourd'hui, c'était Alerte à Malibu. Bon travail, les gars, bon travail. Moi, je te dis que non, parce que tu vois, je vais regarder là tout de suite, et c'est bien marqué. J'ai le truc là, le journal, le bouquin. Voilà, alors, 19h05, le Big Big, jeu animé par la GAF. Oui, mais d'accord, mais ça, je veux bien me croire qu'il y a le Big Bill à 19h, mais un truc que je comprends pas, c'est que tu parles d'RTL9. Bah parce que je pense ça, parce que comme tu vois pas ce que je veux dire, que l'autre, l'extraterrestre, parce que lui il est dans sa soucoupe volante. Non, mais moi j'y crois pas déjà. Bah t'as qu'à le regarder un soir à 19h. Non, mais sérieusement, c'est un vrai, donc ça existe, les extraterrestres? Bah la preuve. Tu l'as déjà vu dans la rue, non? Mais non. Attends, mais ça c'est un scoop. Parce qu'il y a quand même des mecs qui s'appellent les frères Bogdanov, Temps X, dans les années 80, qui se cassaient le cul à savoir si les extraterrestres existent. Mais ça existe vraiment ou c'est un truc créé, Big Bill? Non, c'est un truc qui a été créé parce que... Mais la bestiole, la bête, elle parle? Bah oui, il a une voix comme nous. Attends, c'est vrai, les extraterrestres parlent comme nous. Il se ferait écouter. Non mais sérieusement, c'est-à-dire que l'extraterrestre parle en français? Bah oui. Donc les extraterrestres, c'est français? Bah oui. Non mais attends, parce qu'on nous a toujours fait croire les Américains, alors c'est français, Big Bill. Je vais prendre un passage et puis je t'amènerai une cassette. Non mais ça m'intéresse, parce que ça voudrait dire que les ovnis, les extraterrestres, c'est français, ça vient de France. Ça peut être français, comme ça peut être étranger, hein. Alors c'est pas sur TF1, alors? Mais si, c'est sur TF1. Non mais j'essaie de comprendre, en plus ça m'intéresse, parce que c'est fou cette émission, c'est dingue. Non mais c'est bien comme émission. Ouais, c'est bien foutu. C'est amusant, n'empêche. Non, ça a l'air bien foutu. Qu'est-ce qui est drôle? C'est l'extraterrestre, il fait de l'humour français. Et puis le mieux, c'est de quand il arrive vers le milieu de l'émission, que bon, bah, la personne a fait, avec Bill, a trouvé par exemple, une chose aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'était qui a été à trouver. Et après, ils ont une personne au téléphone. Ils lui donnent un mot pour que la personne doit rechercher dans le dico de savoir ce que ça veut dire. Et la personne peut remporter 5000 balles. Ou l'échanger contre le rideau ou contre l'écran. Alors attends, ça veut dire que tu es muni d'un dictionnaire et avec un mot, tu trouves le mot, la définition du mot, tu gagnes 5000 francs. Mmh. Et que le dictionnaire, tu l'échanges contre un rideau? Non, tu peux échanger tes 5000 balles, soit contre le rideau ou contre l'écran. Souvent, dans le rideau, t'as c'est des rideaux. Attends, mais c'est des rideaux brodés en or, parce que pour un rideau à une valeur de 5000 francs. T'achètes le rideau? Non, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière le rideau. Ah, quoi. Mais t'achètes pas de rideau? Mais non. Ah, je te demande si vous gardez les 5000 balles ou vous les échangez. Contre le rideau. Voilà. Donc tu prends ce qu'il y a derrière le rideau. Par exemple, ça peut être très bien 3 t-shirts du Big Bill, une boîte de bonbons, une bagnole, un passeport comme il fait souvent. Ouais. Il peut y avoir un scooter, une chaîne vidéo, des téléphones portables et autres. Sans déconner, Gérard. Gérard, sur l'IRC, on me demande quand est-ce que tu passes au Big Bill. Jamais. Non mais attends, je reviens un peu là, je suis un peu chiant, mais parce qu'il y a un truc qui m'intrigue là quand même. Le Big Bill, donc c'est le nom de l'extraterrestre. Oui. Qui parle français. Voilà. C'est lui qui met le cadeau derrière les rideaux ou c'est non, la gaffe? C'est l'équipe en général. Ils mettent ce qu'ils veulent derrière. Mais qui décide de ça? C'est Big Bill? Ben, c'est la direction de TF1 en accord avec la GAP. Mais qui paye? Enfin, c'est qui paye? On prend un portable. Téléphone portable. C'est deux portables. Ben, c'est le sponsor en fin de compte parce que c'est dirigé. C'est sponsorisé? Ben oui, c'est les marques de portables, ils les donnent pas. Ah oui, d'accord. Alors, par exemple. Comme la bagnole là, bon, ben, ce soir, je sais que c'était une Ford Casa. Oh la marque. Les petites poubelles de naze là. Ouais. Et avant, il y avait une Renault. Sans marque. Une Renault Clio. Une Renault, mais on ne sait pas la marque. Bon, et donc l'argent, là, en fin de compte, par exemple, si... Bah, si la personne veut... Non, mais par exemple, je reviens sur l'extraterrestre, parce que là, c'est un scoop, mine de rien, parce que c'est français. C'est quand même beau, c'est une marque française. Mmh. Hein? Big Bill, quoi, mais il est dans une soucoupe, mais qui fait la révision? Comment ça? Non mais je voulais savoir. Attends, je comprends pas, parce que par exemple, quand t'as une voiture, quand tu fais les 5 ou 10 000 km, tu fais une révision. Moi j'ai ma caisse, j'ai essayé de réviser à 40 000. Mmh. Donc quand la soucoupe volante vole pendant toute l'émission, à un moment donné, il y a le compteur 40 000. Mais non, elle vole pas la soucoupe, l'autre il est dedans, il s'amuse à faire le con avec ses grosses oreilles bleues là. Ah, parce que les extraterrestres ont les oreilles bleues. Bah lui, c'est comme ça qu'il est, avec un chapeau d'avocat, tout ça, je t'explique pas. Ah, parce qu'il bouffe sur place. Ouais, il s'amuse souvent. Dès que, par exemple, si la personne prend le... Ça, c'est la gaffe. Donc, c'est la gaffe qui se fait passer pour Big Bill. Non, c'est un mec... La gaffe, il fait quoi? C'est le producteur de l'émission? C'est l'animateur, lui, carrément du jeu. Ça, c'était Big Bill, moi, qui présentait. Mais qui présente cette émission? La gaffe. Ah, d'accord. On a mis la gaffe, là. Celui qui chante... Il est beau le lavabo. Mais voilà. Alors, mais il la Zubida. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il introduit... C'est lui qui fait Big Bill. Big Bill, c'est lui qui fait gagner les cadeaux aux gens. Et qui pose des questions? Ben, c'est la gaffe. Et Big Bill, il a à voir quoi là-dedans? Ben, lui, Big Bill, c'est qu'à un moment donné, dans l'émission, il présente un jeu. Donc, il a les gaffettes. Il y a deux présentateurs. Il y a Big Bill. Lui, Big Bill, donc, c'est lui qui fait le juge-arbitre. Dans le jeu. Comme au tennis, il pourrait y avoir un juge arbitre. Voilà. De ligne, c'est lui qui décide si la balle est faute ou pas. C'est lui qui décide si la, par exemple, là, ce soir, c'était, assez, un Gigi. comme comme Rigo aime bien là les DJ. Bah ouais, les DJ c'est ceux qui sont derrière les platines, les DJ. Voilà. Les DJ, ouais. Je veux dire une chose, que c'était pas évident à trouver ce soir, et la nana, bon bah elle a gagné 9300 balles et elle a échangé, puis en fin de compte elle a gagné quoi, elle a gagné 9300 francs en passant derrière les platines, c'est-à-dire qu'elle faisait le DJ. Non, elle a retrouvé les trois chansons qui lui proposaient, mais sur trois elle en a retrouvé que deux, donc au moment de la finale, ah ouais, elle a échangé, puis en fin de compte elle a gagné. Ah, c'est un tournoi, il y a des finales. Bah oui, chaque personne qui gagne. Ah, c'est un tournoi. Après, ils se retrouvent tous à la fin. Et à la fin. Mais le tournoi, quand tu dis ça se passe où, à Paris, à Bercy, c'est... Mais non, c'est sur TF1. Oui, d'accord, ça peut être en direct sur TF1, mais c'est à Bercy. Stade de France. Non, c'est... Je sais plus où ils sont. Roland-Garros. Non, mais sérieux, c'est où? Mais non, c'est dans les studios. C'est dans les studios de TF1. À Bagatelle. C'est comme ici, si on veut faire un défi, comme on a fait l'autre fois avec Françoise. Mais, ouais. Ah, on en reparle. Mais donc c'est tous les jours. Ouais, tous les soirs. Ah, bah, regardez ce week-end. Non, pas le week-end. Ah merde. C'est du lundi au vendredi. Ah zut. Ah. Voilà. Parce que moi, à 19h, malheureusement, j'ai pas le temps de regarder la télé. Ah, c'est bon. Non, mais c'est. Non, mais si tu veux, je pourrais t'enregistrer une émission. On pourrait l'enregistrer. Et puis, comme on a un magnétoscope, on peut diffuser en direct à la radio. Et puis, tu le passes là et tu vois. Et puis, comme ça, on a le son pour les auditeurs. Et puis là, tu peux nous décrire ce qui se passe. Voilà. Bah, tu peux l'enregistrer pour jeudi prochain. Ouais, pour jeudi, ouais. T'en enregistres les plusieurs, puis tu gardes la meilleure, puis tu nous amènes la meilleure des émissions. Ma première, j'enregistre toutes les émissions du lundi au jeudi. Hein. Bah, garde la meilleure, toi, tu ramèneras la meilleure. Tu nous caleras sur la meilleure. Faudrait que je trouve sur la. Le meilleur, c'est le truc des. Canal 19. Les chansons, là. Ah ouais. Non, mais je veux dire, tu enregistres toutes les émissions tous les soirs, et puis après, quand on en enregistre 4 ou 5, tu nous diras laquelle il faudra absolument passer à la radio, la meilleure des 5. Mmh. Bah, on fera un décortiquage. Si t'as Sandy au téléphone, pas toi, c'est pas toi que je m'adresse, parce que toi, tu vas aller à l'aria. Ça Manu, si t'as. Non, lui, il va aller à rien. Ah non, t'as dit qu'il faisait le standard. T'arrêtes pas de changer, t'es pas non, cool. Non, t'as dit tout à l'heure au téléphone. Attends, on en a discuté hors antenne, on en a discuté dans les bureaux. T'as dit qu'il faisait le standard pour le premier, parce qu'après, il se barre. Ah bah alors, qui se barre? Non, mais après, pour terminer là-dessus, revenons. C'est pas grave. On fera donc un petit décortiquage de l'émission, parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue. Tu sais que je suis intrigué, là. Non, mais c'est bien comme émission à voir. Non, mais parce que là, on est dans l'intrigue, c'est un petit peu que c'est un peu du. Mais par contre, Schilderic, là. Schilderic. Bah, l'inspecteur allemand, là. Derrick. Schilderic. Non, mais c'est un peu une intrigue comme à la Derrick. Non, mais moi, je trouve que c'est pas mal comme jeu. Bon, c'est sûr que ça vaut pas l'heure à l'appel. Mais je trouve que ça, c'est meilleur. Ah ouais. C'est vachement mieux, on se marre mieux en plus. C'est plus salé, ça a meilleur goût peut-être. Il fait caca, Big Bill ou pas? Con, bah, tiens, je te répondrai pas, ça t'apprendra. Alors donc lui, il est toujours sur écran, quoi. Ouais. Mais carrément on pousse le bouchon, si tu peux me permettre, par rapport à ce qu'a dit Fildar, c'est pas très fort, mais par exemple, ici, synthétique. Ah bah ça, je sais pas, hein, faudrait que tu lui demandes. Parce que... On peut appeler le Big Bill? Non, on verra ça la dernière fois, parce que peut-être qu'il chie spatial. Bah ça, je sais pas, moi, hein. Parce que parce qu'il faut faire attention, parce que dans une émission comme ça, c'est là où il y a la censure. C'est pour ça que le CSA, c'est important, parce que si le Big Bill, il se met à chier en plein milieu de l'émission, comme il a un apesanteur, la crotte flotte. Ouais, c'est la merde. C'est la merde, non mais imagine-le qu'il a, je sais pas, la diarrhée. Oh là là. Eh ouais. Imagine qu'il ait fait caca derrière le rideau. Ah, la meuf, elle gagne le caca. Un rideau de merde. Le caca de Bill. Bah, oui, d'accord. Bill. Oui, mais c'est de la crosse spatiale quand même. Quelque part, c'est comme de la météorite. Là, on est à combien, Rigo, sans déconner? Non, on est à chier, là. Sans déconner, on doit bien être 1700 au moins. Oh, ah, mais ça, le Big Bill, les gens connaissaient, non, hein? Jamais entendu parler, Rigo. 1723. Comment? Jamais entendu parler sur l'internet. Big Bill, non. Mais non. C'est marrant, parce que moi je pensais qu'il y avait Alerte à Malibu. Mais ça marche bien, mais ça marche bien cette émission. Bon, la preuve, c'est qu'il la garde, c'est qu'il continue. Alors là, continue encore, hein, ils sont pas prêts de l'arrêter cette émission-là. Hein. Et Big Bill, il a son passeport pour rester en France ou pas? Ah bah ça, je sais pas, hein, faudra que tu demandes à la GAF. Tu lui demanderas, il te dira.